Dans le jour où les

Qu'est-ce qui ne va pas là? Ok. Oui, frère. Posez la question pour que les gens de l'Assemblée plus, tout le monde, l'Assemblée plus en être au courant. Oui, la question la suivante est, est-ce que ça me concerne plus? C'est quand j'ai cru, parce que je vivais le moment très difficile dans ma vie, où même ma femme, tout le monde était parti et tout, j'étais dans le désordre absolu. Donc j'étais un peu comme errant. Bon, j'ai dit, Seigneur, toi, tu connais la vérité dans ma vie, tout le monde, tu veux que je sois. Bon, j'ai eu un homme qui vit vers moi, qui est serviteur de Dieu, qui est apôtre, il m'a approché la parole de Dieu, m'a invité dans l'assemblée, je suis parti. Arrivé là-bas, j'ai écouté la parole de Dieu. Moi, je venais avec un but, parce que c'est que le monde est parti, je devais manger et entrer. Ouais, un peu. Donc tu partais pour manger? Oui, je partais dans mon esprit, que je partais moi manger. Il y avait à manger. Qui t'a dit qu'il y avait à manger? C'est le pasteur qui m'a dit ça. Que vient il y aura à manger? Non, que vient, n'est-ce pas? Il y a la faim, il y a la gap. Il y a la manger. On va aller tout le temps là. Quand on va aller tout le temps là, avec la fille du monde que j'avais, oui. Je suis parti. Je me suis assis. J'ai écouté la faim. Parce que j'écoutais, tu dis que tu attends à la faim. Oui. J'ai fini maintenant, j'ai mangé. Oui. Après, quand je suis rentré, j'ai dit que qu'est-ce que tu m'as comme ça? Je vais parler d'enseignement, il faut écouter vraiment ce que les gens là rencontrent là-bas. Mais la nourriture était bonne, frère. L'amitié est toujours bonne. Ok. Je ne sais pas bon, c'est ce qu'il fait. Je suis parti, j'ai écouté les enseignements. J'ai écouté. J'ai été ravi. Bon, après, je n'ai jamais venu à l'esprit de demander au pasteur que je veux me baptiser. Il m'a dit, ok, dimanche, on va aller au bout, parce que tu vas te baptiser, même baptiser. Oui. Quand il m'a baptisé, je suis sorti des eaux. Je suis rentré à la maison. C'était comme pour moi, comme si de rien. C'était passé. Donc c'était une journée bizarre pour moi. Mais après, j'étais un fumeur de cigarette. Oui. Le genre que je vois pour moi, c'est un paquet par jour. Oui. J'ai fumé. Alors que maintenant, un jour, un 4 matin, tellement j'ai tellement prié, les frères, les sœurs m'ont arrêté, mais en train de fumer. Et quand tu me dis que frère, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour toi. Moi, le Dieu le meilleur. J'ai prié. Tout ce que le Seigneur m'a toujours dit, ma grâce est suffisante. Je dis, ah, gloire à Dieu. Je suis resté, c'est 4 matins, je me réveille. J'ai fait 3 jours en oubliant que j'étais un fumeur. Après ces 3 jours, je suis parti faire un chantier chez une maison que j'ai abonné. Il m'a payé 10 000 francs. L'envie de fumer m'a attrapé jusqu'à dire volonté comme ceci. Je suis parti acheter un Benson, chose que je ne fumais pas. Pour acheter ce Benson, j'ai allumé, tiré une fois. Je dis, oh, c'est bon. Tiens, pas donc ton corps est calme. Oui. Après maintenant, je vois le soleil commence à tourner. Le ciel qui m'a aplati, la tête qui m'a aplati, c'était la cigarette, et dit gloire à Dieu. Puisque j'ai fait 3 ans que je ne fume plus. Bon, après, comme je jouais beaucoup au jeu au hasard, c'est tout chez moi, après, je suis parti à cause de cela. Bon. Donc, il est rationnel, tu parlais, il dit que non, le cheval s'y va entrer. Non, je jouais tout ce qu'on appelle le hasard, plus les cartes. Oui. Ouais, un peu, non. Ouais. Parce qu'il fait dans le forage. Quand un client me donnait un peu de l'argent, il partait tellement bouger là-bas. Bon, je suis parti. Un client, tout me faisait la misère à ce moment, et un client m'a donné un travail de 80 000 francs. J'avais déjà cru. Je pars, je prends l'argent, il me donne l'avance de 50 francs, il part au marché, achète le matériel. Elle va travailler sur moi, je prends 30 500. Bon, je dis dans mon cœur que bon, je m'avais joué 500, je vais 500, je vais acheter 30 000. Une petite voix me dit que si tu pars, je vais te faire cet argent en moins de 30 minutes. Je dis, ah, je vais comprendre la question. Je pars, je joue mon foie, c'est-à-dire en moins de 30 minutes. Quand je me lève, je sors. Il y a peu de clients, lui compose, il dit que ouais. Alors, tu le composes comment? C'est un verbe, frère. Dis, que tu non, je lui fais du cri, je lui. Tu sais le tout, non? J'essaie de l'embrouiller, non? Bon, maintenant, il me dit que okay, je vais monter 10 000 francs. Il dit, il me donne encore 25 000 francs. Il me dit avant même que je m'en vais me venger. Comme le gars m'a foiré, je vais me venger. L'esprit là me dit encore que je vais te montrer que c'est Dieu qui te parle. Je suis parti jouer. Il m'a fait la même manière que monsieur m'a dit. Quand même, tu l'as vu, j'ai dit. Ne revenez plus jamais au point que j'ai ici joué au jeu au hasard. Quand je me tiens à debout, qu'est-ce que j'ai même parlé comme ça? Moi, quand on connaît là, quand je suis sorti de là, c'était tout ce qu'on appelle jeu au hasard. Je ne joue plus. Donc je demande, est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est quel esprit qui m'a animé ce jour-là? Quand tu parlais, tu as dit que c'était Dieu qui t'avait parlé. Oui. Tu veux qu'il dise dans quoi? Non, c'est ça que je vous pose, non? Parce que même est-ce que tu parles, c'était moi qui étais là récemment? Oui. Récemment, ce qui m'est arrivé encore récemment, c'est peut-être 3 semaines. Oui. Je suis resté justement pour une question que. Parce que je suis quitté là où j'ai cru. Parce que là-bas, les femmes avaient autorité et tout. Ah, il faut savoir que